For every man a religion. Find everybody in rule. For everything and rumble. Forget everything and remember. Casquette sur la tête au port du succès. Deuxième à la tête qu'on ne peut plus perdre. Laissé sur le côté, me relever, j'ai su le faire. Je reviens venger mes rêves. Après la pluie vient le soleil, la vie est superbe. 2002 d'où la roue tourne, la musique me ressuscite. La vie me rendra ce qu'elle m'a pris si un jour je réussis. C'est un pour mes gars, deux pour ta meuf, trois on garde l'espoir de finir vieux. Quatre, je rappe grave mieux. Ils analysent mes textes, ils n'auront rien qu'entend. J'ai tant souffert rap juste comme moi il y a deux ans. Tonton, participe dans le game, on est plus haut. Spatial et le flow, je vise la lune au-dessus des rapaces. Maman, excuse, mais des rapaces, j'ai l'heure de gagner. Le trône est à WAM, à mes alliés. Du TRA 2S, KZ AGM, 2L et 2M, la caravane passe. Morale aux abois, j'ai tant chialé, ça ne peut qu'aller. Si j'échoue, que je m'écroule, que mes potes me sauvent. Et quand le doute m'étouffe, que l'amour m'écoute, il rend aveugle, car je t'ai pas, j'ai des canons. On avait des projets où les armes y a hier, ma gueule. Et qui me connaît vraiment, même pas cette sale. Le plus dur n'est pas la fin, mais j'y croyais, c'est ça le truc. 2011, dans la peine, et encore plus. Quand j'étais bataille, parti en couille, c'est en enfer que mon corps brûle. Deuxième à la prod, flan autre classique. Ceux qui firent mes joies, mes sourires, que votre vie soit fantastique. Ceux qui firent mes peines, qu'ils y restent tous. S'ils crèvent de soif, je prends la bouteille et je renverse tout. Final assignment, see your eyes' reaction. Free and excellence affects reality. Fallen empires are ruling. Find out. Every fantastic expectation, amazing revelations. Final execution as resurrection. Free expression as revolution. Finding everything and realizing. You got the fear. You got the fear. You got the fear. You got the fear. You got the fear.